Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Boum Boum Mot, musique française curieuse des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, Jonas. 2020, parce qu'on a 2021, c'est la nouvelle décennie. Comment tu vas ? Très bien, très très bien. Il se passe quelque chose de neuf aujourd'hui, Vincent. Comment ça se passe quelque chose de neuf ? Et quelque chose qui était à 21h, qui est à 23h maintenant. Ah, le couvre-feu ? Eh oui ! Et ça change beaucoup de choses. Et moi, je pensais surtout à la réouverture des bars et des restos en intérieur. Eh bien, ça change aussi quelque chose, voilà, c'est vrai. Gros problème pour le mercredi soir de Boum Boum Mot. En plus de Pioche, le pur bar de la place Talensac, il y a désormais le bar 303. Exactement, pour les Nantais et les Nantaises qui nous écoutent, Talensac, the place to be. Hein. Exactement. Notre septième saison Boum Boum Mot, musique française continue. Curieuse, ça continue et s'achève surtout dans quelques jours. Il y aura sans doute une émission la semaine prochaine, mais celle d'après, c'est pas sûr du tout. Ça doit être la 208e ce soir, je crois. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis le propre invité de notre émission ce soir, Jonas. Et mes jockeys, comment ça va ? Ça va. Question, réponse. Je ne l'avais jamais fait, celle-là. Si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux ces derniers jours, j'ai sorti une mixtape Italo Disco sur le label de Poitiers, Astral Soda. Qu'elle est très bien. Pardon ? Elle est très bien. Ah, tu l'as écoutée, c'est vrai, déjà ? Et exactement. Ah, t'as triché, on va la diffuser ce soir. Ah, toi, tu l'as déjà écoutée, t'as spoilé grave. Bah, j'avais mon petit Walkman pendant que tu passais des disques tout à l'heure, parce que Vincent était au 303, le bar à côté de Talensac à Nantes, dont on parlait. Et voilà, donc j'ai écouté avec mon petit Walkman, et je peux vous dire que c'est très, très, très, très bien. Et en plus, il y a 20 mytho, exemplaires. T'as donc pas de Walkman, t'es un gros mytho. Alors, si est-ce que Walkman, t'as un Walkman en vrai ? Toi qui possèdes des laserdiscs et toutes sortes de technologies bizarres et rétrogrades, alors, est-ce que tu as un Walkman en vrai ? Je dois avouer, Vincent, en état de marche. Je n'ai pas un Walkman, j'en ai deux. Donc mais voilà. Non. Eh bien, bien sûr, et les deux sont en état de marche, plus un lecteur cassette, évidemment, comme tout homme qui se respecte. Tu peux vraiment écouter, du coup, ma cassette Weekend à Rome, mon mix Italo Disco. Je peux écouter, Vincent, pour la simple et bonne raison que tu ne l'as pas mis sous blister, parce que j'ai un problème, messieurs, dames, les auditeurs et les auditrices, c'est que je n'arrive pas à ouvrir les éléments culturels qui sont sous blister. Alors, ce n'est pas un problème, c'est un handicap à ce niveau-là. Oui, oui, voilà. Je suis là pour ça. Témoigner, exactement. Tu n'ouvres pas tes vinyles, tu achètes des vinyles et tu les laisses sous blister, c'est un exact, scandale. Parce qu'il y a la version électronique et je me dis, je suis pas puriste. Du support et je me dis que bah voilà c'est des beaux objets et voilà et je les ouvrirai un jour quand j'aurai une parce que j'ai une platine de merde faut le dire elle est très bien ta platine oh c'est une platine avec une tête en plastique hein, du coup bien, donc on est clairement bien. Sur quelque chose de très, très bref on arrête les digressions hein, du coup parce qu'on n'est pas là pour parler de moi on est là pour parler de l'artiste de ce soir peut-être qu'on reprendra l'antenne tout à l'heure parce que Yanis va arriver notre vrai invité c'est Yanis il est même plus membre de l'émission il paie plus sa cotise depuis 2017 à peu près Yanis va passer tout à l'heure en attendant on va lancer donc ce mix qui dure un peu plus d'une heure mais oui. Peut-être qu'on pourra pas l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a des émissions derrière qu'on va les respecter donc Weekend à Rome c'est le nom de ce mix que j'ai fait pour le label Astral Soda. Astral Soda c'est un label de Poitiers, je fais un gros big up à Kiki Fruit qui m'a invité, qui m'a proposé de faire cette cassette, ce mix. Lui, il sort souvent des cassettes qui sont des mix de musique française et francophone. Ça rejoint assez largement finalement ce qu'on fait dans Boum Boum Mot. Sauf que nous, on fait de la radio et des soirées. Lui, il fait des cassettes. Il est venu dans Boum Boum Mot au Kiki Fruit. C'était le dernier invité de 2020, donc genre vers le 15 ou 20 décembre. Il est venu faire un mix assez incroyable autour des musiques françaises et francophones influencées par l'Asie, la Chine, la Thaïlande, tout ça. Et du coup, suite à ça, on avait pas mal échangé. Il m'a dit, si tu veux, tu enregistres un mix sur cassette. Je voulais faire un truc, original, trouver des morceaux qui n'ont pas encore été diffusés, mais trouver des morceaux qui n'ont pas été mis en valeur dans des compilations, dans des rééditions, dans des émissions de radio. Et l'un des styles qui m'a le plus intéressé de ce point de vue-là, ça a été l'Italo Disco, parce que l'Italo Disco, c'est un nom trompeur, comme je le dis dans la présentation de cette cassette, ça vient d'Italie, ce style, l'Italo Disco, avec des synthétiseurs et des synthés dans tous les sens. C'est un style un peu extravagant, un peu à la frontière toujours du mauvais goût. Et c'est un style qui bizarrement n'a pas été encore en France compilé ou réédité. Il y a très peu de choses qui sont ressorties. Oui. Et je me suis dit bah, pourquoi pas faire une petite cassette très orientée dance floor. C'est vraiment un truc plutôt qu'on peut écouter à 3h du matin. Et du coup voilà, j'ai sauté sur l'invitation de Kiki Fruit que je remercie une fois de plus pour faire ce mix qui s'appelle Weekend à Rome, qui est une heure d'Italo Disco francophone et français. J'ai une petite question, tu parlais à la frontière du mauvais goût. Si on passe cette frontière, est-ce qu'on arrive sur la Cristallo Disco ? Alors, il faudrait voir avec nos prédécesseurs, nos ancêtres. Nos ancêtres, le blues du robot. Cristallo Disco qui vient de fêter ses 109 ans. On le félicite. Exactement. Encore, c'est une private zone. Bisous, j'ai une Cristallo, vraie, j'ai une vraie information à annoncer, c'est que Cristallo, du haut de ses 109 ans aujourd'hui, vient d'avoir son code. Donc voilà, comme quoi il n'est jamais trop tard, auditeur, auditrice. C'est une vraie info, c'est une vraie info. J'ai croisé Lucien en arrière. Est-ce que ça se sent qu'on a bu des pintes au bar 303? Absolument pas, absolument pas. On est joyeux comme ça tous les soirs. En vrai, je suis hyper fier. Ça m'arrive pas souvent, petite séance de psychanalyse en direct sur Prune. Ça m'arrive pas souvent d'être fier de mes mix et d'être satisfait de ce que je fais. Et je suis quand même assez content de la curiosité de ce mix, de la cohérence de ce mix et surtout du fait que ça sorte sur cassette. En vrai, c'est pas grand chose, c'est 20 cassettes. Mais le fait que ce soit pressé, ça lui donne une sorte de crédibilité. Tout le monde m'envoie des petits messages. Oh, merci, bravo. Et du coup, je suis plutôt content. Je suis dans mes petits souliers. J'aime bien ce mix. Ça s'appelle Weekend à Rome. Ça vrille un tout petit peu. Ça flirte clairement avec le disco français, ce qu'on appelle le French Boogie, plus ou moins, même si ça veut rien dire. Et un tout petit peu New Wave dans les dernières minutes, dont vous n'aurez pas la chance de profiter, vu qu'il est déjà 22h06. Vous n'écouterez pas les deux derniers morceaux de ce mix. Le podcast sera en entier. Le podcast sera en entier sur le site de Prune. Et mes jockeys passent aux platines de Boom Bomo. Ça fait trop bizarre de dire ça. Le mix s'appelle Weekend à Rome. C'est de l'Italo Disco, j'espère que vous allez apprécier. Il reste quelques cassettes sur Discogs. Bisous, à la semaine prochaine. Profitez, les petits loups. tu penses, pense à ce que tu dis. Fais gaffe à ce que tu penses, fais gaffe à ce que tu dis. Si tu dis pas ce que tu penses, pense à ce que tu dis. Les G sont affolés, les cadres supérieurs réclamés, les VRP ont dérapé, les secrétaires ont des idées, les vendeurs se tirent en Vendée, les ingénieurs sont très gênés, les ajusteurs désajustés, les tourneurs phaseurs défrisés. Oh là là. Que de synthétiseur. Yanis. Yanis de retour dans Boom Bomo. Il fait le d'introduction. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as entendu les synthés dans Boom Bomo, tu t'es dit il faut que je vienne. Et je me suis dit pour passer, voilà, c'est tellement ma cam, tous ces petits synthés qu'il fallait que j'apparaisse, que je fasse une apparition. J'ai bien choisi ma soirée. Ça fait plaisir, t'es pas venu cette saison encore, si une fois, au tout début, première, je crois. Avec Atemi. Ouais. Non. Encore avant Atemi, on avait fait une émission d'introduction. Comment ça va, Yanis? Bah écoute, ça va plutôt bien. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. J'ai vu de la lumière, j'ai entendu des synthés et je suis rentré tout de suite. Mais à force d'écouter nos mix, les miens notamment, il n'y a pas une petite affinité pour ce genre de musique Il n'y a pas un truc qui s'est créé. Un petit Jean-Michel Jarre comme ça, un petit Guilty Pleasure. Moi, je me moque du reggae depuis longtemps, mais il y a plein de trucs que j'apprécie de plus en plus dans le reggae. Ouais. Et toi, du coup, l'italo-disco, pas du tout. Je te disais hors antenne que j'avais écouté du coup ton mix sur SoundCloud et qu'il y avait des paroles que j'avais trouvées plutôt sympas, plutôt pas trop mal foutues. Les vendeurs se tirent en Vendée. Les vendeurs se tirent en Vendée, notamment. On sait que notre fidèle Jocelyn aimait cette phase aussi. Je l'ai entendu dans ma voiture en venant tout à l'heure. Je l'avais déjà entendu sur SoundCloud, mais... Et effectivement, non, c'est trop synthétique pour moi en l'occurrence. Quoi. Je ne nie pas la rythmique, je ne nie pas le côté dance floor et entraînant de l'affaire, mais beaucoup trop de synthétiseurs pour moi. Jonas, mais c'est du beau boulot. Bon, merci beaucoup Yanis. Jonas, il est en train de se passer un truc historique dans Boom Bomo. 7 ans d'antenne et c'est la première fois que je parle avec de la musique derrière les oreilles. Deuxième fois, j'ai refait les archives. C'est le deuxième, ce qu'on appelle un bed en radio, c'est on met la musique en fond. Et le présentateur, l'animateur parle de dessus. Vincent déteste ça alors que c'est la règle sur toutes les radios. Hein. Du coup, Skyrock en premier, vu que c'est la radio préférée de Vincent. Et voilà. Pourquoi tu dis ça, on peut parler d'Offspring, de Sum 41, de ce que tu veux. Mais... J'allais enchaîner là-dessus. Pourquoi du coup tu parles de Skyrock? On fait une parenthèse Skyrock. Ok, parce que j'ai ma nana qui aime beaucoup Skyrock et il passait 113. J'ai oublié le nom. Bref, un truc de rap à l'ancienne, je me suis dit peut-être que Skyrock ça redevient cool, je sais pas, peut-être. La question est ouverte. En tout cas, on passe un bed et c'est cool. Prune, c'est mieux que Skyrock quand même. Ah oui, non mais bien sûr. En tout cas, c'est interdit à ma fille. Si elle veut écouter du rap, elle écoute le Move. Et pour revenir au bed, cette petite musique d'ambiance qu'on entend derrière, je crois que ça se faisait essentiellement dans les années 80 et du coup on est complètement raccord de Vincent. Il y a ce morceau de Jean-Pierre Massiera qui passe derrière nous. Ça s'appelle The Starlight. Si on dansait, le nom du morceau, je vous propose à défaut de danser, d'écouter le mix. Ça s'appelle Weekend à Rome. C'est ma mixtape Italo Disco dont je suis trop fier. On reprendra l'antenne tout à l'heure sur le prochain instru. Oui. Vous écoutez Boom Bomo jusqu'à 23h. jamais le jour. We'll be right back. Et on passe sur la face B de la cassette d'Aimé Jockey, Week-end à Rome. Vous êtes toujours à l'écoute de Boom Momo sur Prune, le 92 FM, et il est présentement 22h35. Aux allures de ma vie s'incruste dans le noir et me frappe de au hasard. Comme un point dans le cœur, je découvre la peur. Et tu es là, irréel et superbe. Déclenche en flashback les séquences de la nuit. Tous ces bleus, tous ces rouges, tous ces verts, tous ces jaunes. Et je sens que j'ai peur et je sens que je meurs. Et je veux te briser, je veux t'anéantir. Mais tu te déshabilles, irréel et superbe. Mais on dirait la mort. Des chocs mystérieux de l'espoir réveillent ton série des millions de regards. Tous ces jeux de massacre, ces éclairs, ces couteaux. Tu sais que j'ai peur et tu sais que je meurs. Mon passé a brûlé, je n'ai plus de futur. Tu le sais, tu souris et je vais me damner. Je t'aime. Yeah! Yeah! Synth to the max! Ce synthé, Yanis, qu'est-ce que tu penses de ce synthé? Il est quand même chamé, non? Ah bah oui! Celui-ci est moins pire que Serge d'autres. Serge Fontaine, troubadour! Celui-ci est moins pire que d'autres. Killer track, Italo Disco! Je tiens à dire que ce qu'il y a de mieux dans cette cassette, c'est la pochette. Ah oui! Oui, c'est vrai! C'est le seul truc que j'ai pas fait. L'enfoiré! Merci Kiki Fruit pour le visuel. Merci Yanis pour le compliment. Je sais pas comment le prendre. Ah, écoute, c'est bien, c'est important de savoir bien s'entourer, Vincent. Et ben exactement, c'est aussi pour ça que t'es plus dans l'émission. Oh les scuds, ça tira pas le réel ici. C'est très bien, c'est une très belle émission. Tu reviens en 2023 du coup pour le 250e podcast. Exactement, c'est prévu. Est-ce que t'avais écouté le 200e? Celui avec tous les titres. Ouais, bien les sûr, 4 heures, bah oui. 4 heures, 50 non, mais morceaux. Non, je reste infidèle, Vincent. Je reviens. J'ai même écouté une cassette entière d'Italo Disco pour voir ce que ça donnait. Si ça, c'est pas du dévouement. Voilà, c'est beau. Je sais pas à quoi ça ressemble. T'es bien fidèle, t'es un soumis. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, bah, je m'intéresse quand même, quoi. Mais... Magnifique. C'était une belle saison, mine de rien. On remercie Prune une fois de plus pour l'accueil, pour les locaux, ouais. Pour le matos. Merci à toute l'équipe de filles qui gère ça au quotidien, de main de maître. Ouais. On repart pour une 8e saison, Jonas. Eh ben écoute, oui, c'est une puissance de 2. Moi, j'aime bien les puissances de 2 parce que je travaille dans l'informatique, donc je me vois pas arrêter sur un nombre premier comme 7. Yanis, faut que tu reviennes. Je parle de 8e saison et parle de puissance de 2. Yanis, j'ai besoin d'aide. Moi, je suis tout seul avec Jonas tous les mercredis. C'est compliqué. Je sais que c'est dur, Vincent. Il parle de câbles, il parle d'internet et tout. Il parle de Wi-Fi, j'en peux plus. Il parle de plein de trucs. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de spécial Jonas? Ah, il faudrait faire une spéciale Jonas. Bah non, mais il n'y a rien avec la musique française. Mais si, j'ai annulé la spéciale. C'était quoi? Spéciale technologie où j'ai passé du Dorothée Minitel. C'est la troisième saison, je crois. À l'époque où on faisait des émissions thématiques. Exact. Saison 2, saison 1, saison 2, saison 3. On fait un bisou à Solange aussi. Bien sûr. Oui, bisous Blanc. Solange. Bisous Solange. Il nous manque. Et ben on repart avec Serge Fontaine, Troubadour et derrière. Allez, faisons comme ça. Et derrière c'est Valérie Scholler. Le morceau s'appelle Ma nuit américaine. Et ce n'était pas sur internet, mais c'est sur ma chaîne YouTube. Et sur SoundCloud. C'est ma soirée promo, pas hésiter. Et sur SoundCloud. On reprend l'antenne tout à l'heure. Peut-être... Ah non, remarque, on prendra plus l'antenne, il est déjà moins 10. Et après, ça va être la fin du mix. Bisous tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera peut-être la dernière de la saison. Merci Yanis d'être venu. Ouais, merci à vous. Ciao les petits loups. Bisous. Bisous. Juste une petite interview, j'en profite parce que Vincent m'écoute pas. C'est juste pour m'excuser auprès de ma meuf qui m'assassine de texto pour me dire qu'elle écoute pas Skyrock et que non, c'est une correction. Non, non. Attends, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Et voilà, je m'excuse, Izor, pardon. Désolé, t'es pas une poseuse. Sans espoir vraiment. Bye-bye.